Je vous salue tous ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Namisalimia nini yote mangaribi ya leo mujina ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Recevez aussi les salutations de Frère Chilunjika. Mupoke pia masalamu ya ndugu yetu Chilunjika. Depuis que Luigi m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Tangia Kolwezi aliniambia nimisalimie mujina Bwana Yesu Kristo. Ya le frère Timothée Soketo. Kuku ndugu yetu Timothée Soketo. Depuis Uvira, il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Kule kuvira, naye aliniambia nimisalimie mujina Bwana Yesu Kristo. Ya aussi le frère Paul Mfwana. Kuku tena ndugu Paul Mfwana. Le frère Obediel. Duku Obediel. Murula. Duku Murula. Ils m'ont demandé tous de vous saluer. Na wote waliniambia nimisalimie mujina ya Bwana Yesu Kristo. Sawa kutade nous allons nous lever. Bila ugawia tutasimama. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 1. Tafungula Biblia yetu mu Yohane sura ya kwanza. Verset 40. Mstari ya makumi nne. André, frère de Simon Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. André ndugu yake Simon Petro alikuwa mmoja wale wawili walisikia maneno ya Yohane na walimfuata Yesu. C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Il kwa yeye ula likutana naye mara ya kwanza ndugu yake Simon. Na kumwambia tulimpata Masia maana yake Kristo. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Jésus-Christ, nous te disons merci. Mujina Yesu Kristo tunasema asanti. Merci pour ton amour. Asanti kwa ajili ya mapendo yako. Merci pour ta grâce. Asanti kwa ajili ya neema yako. Merci pour tes promesses. Asanti juu ya malako yako. Merci pour ta fidélité. Asanti kwa ajili ya uaminifu wako. Merci pour ce moment que tu viens de nous accorder. Asanti kwa ajili ya wakati unatupatia. Pour venir ici dans ta présence. Ya kufika hapa muwepo wako. Te présenter nos requêtes. Na kukwambia mahitaji yetu. Et rentrer avec la réponse. Na kurudi na jibu. pour venir ici écouter ta parole. Je akuja hapa kusikia neno lako. T'écouter nous parler. Kukusikiliza wewe utuambie. Descends au milieu de nous Seigneur. Ushuke katikati yetu Bwana. Agis comme étant le même hier, aujourd'hui éternellement. Utende sawa jana leo na milele. Délivre ceux qui sont liés. Ukomboe wenye kufungwa. Guéris les malades. Na uponye wagonjwa. Console ceux qui sont affligés. Ufariji wenye kwa katika uzuni. Ramène au salut ceux qui sont perdus. Patie okovu wenye kupotea. Baptise du feu du Saint-Esprit ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Baptisa Roho Mtakatifu wasipo kuipata. Agis selon la grandeur de ton nom. Utende kufatana na bukubwa wa jina lako. Fais en sorte que chacun de nous en quitte ici. Fanye mnamna kila mmoja mkutoka hapa. Qu'il dise ça valait la peine que j'aille dans la présence de Dieu. Aseme ya kwamba ilikuwa ya mafaa kuenda muwepo wa Bwana. Oh Dieu, nous te désirons. O Mungu, tunakutaka. Nous sentons comme ces hommes qui ont dit à Philippe. Tunajiona sawa wale watu walimwambia Filipo. Nous voudrions voir Jésus. Unapenda kumuona Yesu. Nous voulons te voir Seigneur. Unapenda kuona Bwana. Laisse-toi voir. Uyachirie ukane. Laisse-toi toucher. Uyachirie tu. Laisse-toi palper. Uyachirie tu kupapa. Crée-nous l'atmosphère. Et dévoile-toi à nous. Na ujifunue kwetu. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Munawezi kuketi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous sommes en train de parler des convaincus et puis concernés. Tunasemezea kuhusu wakikishiwa na kuchugua ile mambo inakuwa yapo. Et André Frère de Simon Pierre était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean. Ya kwamba André ndugu yake ya Simon Petro alikuwa mmoja wale walisikia maneno ya Yohane. Et lui avait suivi Jésus. Na ule alimfuata Yesu. C'est celui qui rencontrait le premier son frère Simon et lui dit. Alikuwa yeye wa kwanza kutana na ndugu yake Simon Petro na kumwambia. Nous avons trouvé le Messie. Tunampata Masia. Ce qui signifie Christ. Manake Kristo. Et il les conduisit vers Jésus. Na alimpeleka kwa Yesu. Jésus le a regardé dit. Yesu kisha kumuona akasema. Tu es Simon. Wewe jina lako ni Simona. Fils de Jonas. Mwana wa Yona. Tu seras appelé Cephas. Batakuita Kefa. Ce qui signifie Christ. Manake Petro. Le lendemain Jésus voulait se rendre en Galilée. Kesho yake Yesu alipenda kwenda ku Galilaya. Il rencontra Philippe et lui dit suis-moi. Akakutana na Philippe akamwambia unifuate. Philippe était de Bethsaida de la même ville d'André et de Pierre. Filipo alikuwa wa Bethsaida wa muji moja moja na André na Petro. Philippe rencontra Nathanael et lui dit. Filipo alikutana na Nathanael na akamwambia. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Tunakutanishana na ule Musa alituandikia msheria. Et dont le prophète ont parlé. Na ule manabii walisemezea. Jésus de Nazareth. Yesu wa Kunazareti. Fils de Joseph. Mwana wa Yusufu. Nathanael lui dit. Nathanael akamwambia. Peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Eti ku Nazareti kunaweza kutokea kitu kizuri? Philippe lui répondit, viens je vois. Philippe akamwambia, wewe ukuye tunauone. Jésus. Yesu. Voya venir à lui Nathanael. Kisha kumuona Nathanael akuja kwake. Du de lui. Akawasema juu yake. Voici vraiment un Israélite. Tazameni kweli kweli muisraeli. Dans lequel il n'y a point de fraude. Ndani yake hamuna ila. D'où me connais-tu? Ulinijuia wapi? Lui dit Nathanael. Nathanael akamujibu. Jésus lui répondit. Yesu naye akamwambia. Avant que Philippe t'appela. Mbele ya Philippe ukuita. Quand tu étais sous le figuier. Wakati ulikuwa chini ya mutini. Je te vis. Mimi nalikuona. Nathanael répondit et lui dit. Nathanael akajibu na kusema. Rabbi. Rabuni. Tu es le fils de Dieu. Uko mwana wa Mungu. Tu es le roi d'Israël. Uko mufalme wa Israeli. Amen. Amen. Après avoir vu. Kisha yeye kuona, comme Philippe lui avait dit, paka vile Philippe alimwambia, viens voir, kuja uone, après avoir vu, kisha yeye kuona, après avoir entendu, kisha yeye kusikia, Nathanael dit, Nathanael akasema, Rabbi, Rabuni, tu es le fils de Dieu, wewe uko mwana wa Mungu, fils de Dieu signifie, mwana wa Mungu manake, Dieu lui-même dans la chair humaine, Mungu yeye mwenyewe mumwili ya Mungu, alléluia, amen. Le roi d'Israël. Uko mfalme wa Israeli. Le roi d'Israël. Mfalme wa Israeli. Ça signifie l'éternel. Manake ni wa milele. Ça signifie le Jehova. Manake Jehova. En d'autres termes. Na mna ingine akusema. Nathanael pouvait dire. Nathanael alisema. Rabuni. Je vois que le Jehova de l'ancien testament. Ninaona ya kwamba Jehova wa agano la kale. Njo weye. Je vois que c'est toi. Ninaona ya kwamba ni weye. Écoutez maintenant. Musikie sasa. Écoutez maintenant. Musikie sasa. Jésus lui répond. Yesu akamujibu. Parce que je te dis que je te vis sous le figuier. Tu crois? Juna kuambia kwamba nalikuona chini ya mutini. Njo unaamini. Tu verras de plus grandes choses que celui-ci. Utaona vitu bikubwa kushindia ibi. Quelles sont ces grandes choses qu'il va voir? Ni vitu bikubwa kanibila. Écoutez le verset suivant. Msikie mstari nafuata. Et il lui dit. Na akamwambia. Il lui dit. Akamwambia. En vérité. Kweli kweli kweli kweli. Suivez attentivement. Fate mzuri. En vérité. Kweli kweli kweli kweli. Vous verrez désormais. Tangia pasasa utaona. Désormais. Tangia pasasa. Le ciel ouvert. Bingu wazi. Et les anges de Dieu. Na ba malaika ba Mungu. Monte. Kupanda. Et descendre. Na kushuka. Sur. Yulu. Le fils de l'homme. Ya mwana wa mtu. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Eti munaelewa maana yayo? Désormais. Tangia hapa sasa. Frère. Nduku. Le ciel est ouvert. Mbingu inakuwa wazi. Désormais. Tangia leo. Il ne s'est pas adressé à l'éternel si vera. Non. Asimwambie Nathanael ya kwamba utaona. Vous verrez, vous tous. Mutaona. Mwe bote. Désormais vous verrez. Tangia leo. Mwe bote mutaona. Est-ce que vous comprenez ça? Eti munaelewa hii? Écoutez, au verset 50, quand il dit quelque chose qui concerne Nathanael lui-même, il dit ceci, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, c'est toi. Kuona chini ya mutini. Njo unaamini wewe. Tu crois. Wewe unaamini. Mais ça concerne Nathanael lui-même. Hii mambo ilimuelekea Nathanael peke yake. Qui nous concerne. Wakati alisema ile natuelekea sisi. Même toi ce soir. Hata wewe unaelewa leo, hata mimi. Et il lui dit. Na akamwambia tena. En vérité. Kweli kweli kweli kweli. Vous verrez désormais. Mutaona tangia hapa sasa. Tu verras. Aina wewe peke yako. Tena plus toi. Aina wewe peke yako wewe na Nathanael. Vous les croyants. Bote ba mimi. Vous verrez désormais. Mutaona tangia hapa sasa. Vous verrez désormais. Mutaona tangia leo. Le ciel. Mbingu. Ouvert. Wazi. Et les anges de Dieu. Na ba malaika ya Mungu. Monte. Kupanda. Et descend. Na kushuka. Sur le fils de l'homme. Yulu ya mwana wa mtu. Le premier qui avait vu les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Wa kwanza ule aliona ba malaika kupanda na kushuka yulu ya mwana wa mtu. Il n'avait pas connu le fils de l'homme. Asikumjue mwana wa mtu. C'était caché. Il a quoi yenye kufichwa. Il avait vu ses valeurs. Écoutez ça. Aliona tu. Gêné. Genèse. Mwanjo. Il a vu l'échelle seulement. Aliona tu mungazi kushuka. Mais il n'a pas vu le fils de l'homme. Alakini asikumuone mwana wa mtu. Genèse. Mwanjo. Chapitre 28. Sura ya makumi mbili na mnani. Écoutez ce que Jacob a vu. Musikia kile Yakobo aliona. Yakobo. Est-ce que l'église est là? Eti kanisa nafata. Verset 10. Musari ya kumi. Jacob est parti de Beersheba. Jacob a katoka pa Beersheba. Et s'en alla à Garan. Akaenda ku Garan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Akafika pafasi pale alilala usiku. Car le soleil était couché. Kwani jua lilikuwa limeshanguka. Il prit une pierre. Akachukua jiwe moja. Vous écoutez? Mnasikia? La pierre rejetée par vous qui baptisez. Jiwe yenye kutupwa na mwe mbale bar. Et devenue la principale des langues. Inakuwa sasa lile. Cette pierre la sécu. Ile jiwe ni nani? Jésus, Jésus. Il prit une pierre. Akachukua jiwe moja. Dont il fit son chevet. Il aliweka pa kuwekea kichwa. Et il se coucha dans ce lieu-là. Na kalala pa ile fazi. Il eut un songe. Akaona ndoto. Et voici une échelle. Tazama mungazi moja. Était appuyé sur la terre. Ilikuwa yenye kusimama pa udongo. Et son sommet touchait au ciel. Na ntongo yake iligusa kwa mbingu. Yes, la terre. Tangia pa udongo. Et le sommet touchait. Na ntongo iligusa. Église. Mbingu. Le ciel. Iligusa mbingu. Et puis il vit quoi? Kisha aliona nini? Et voici. Natazama. Les anges de Dieu. Ma malaika ya Mungu. Monte. Balikuwa na panda. Et descende. Na kushuka. Par cette échelle. Kupitia ile mungazi. L'échelle de Jacob. Mungazi ya Jacob. L'échelle que Jacob avait vu. Mungazi ile Jacob aliona. C'est Jésus-Christ. Alikuwa ni Yesu Kristo. Jacob dormait. Jacob alikuwa mwenye kulala. Alléluia. Amen. Jacob cherchait le repos. Jacob alikuwa anatafuta mapumziko. Jacob cherchait le lieu de refuge. Jacob alikuwa anatafuta fasi ya kufichama. Jacob cherchait le lieu d'assurance. Alikuwa anatafuta fasi ya hakikisho. Il arrive à Beersheba. Na akafika Beersheba. Il prend une pierre. Akachukua jiwe moja. Akaweka hapo kichwa. Na kulala. Et Dieu lui montre un songe. Na Mungu akampatia ndoto. Et dans le songe. Mule mundoto. Il voit l'échelle. Anaona mungazi. Depuis la terre. Tangia pa udongo. Jusqu'au ciel. Kufika na kumbingu. Et les anges de Dieu. Na ba malaika ya Mungu. Monte. Balikuwa na panda. Et descend. Na kushuka. Sur cette échelle. Kupitia le mungazi. Maintenant Jésus dit à Nathanaël. Asa Yesu anamwambia Nathanaeli. En vérité je voulais. Kweli kweli kweli kweli nakwambia. Vous verrez désormais. Le ciel ouvert. Tangia leo mutaona. Vous n'allez plus avoir le songe. Amutalota tena ndoto. Ce n'est plus un rêve. Aina tena ndoto. Ce n'est plus une prophétie. Aina tena matabiri. Amen. Vous verrez désormais. Tangia leo mutaona. Le ciel ouvert. Bingu wazi. Vous allez voir le ciel ouvert. On a mbingu wazi. Vous le croyez. Ne pensez pas que Dieu est loin de vous. Le ciel est ouvert. Le ciel est là. Alléluia. Pourquoi vous doutez? Vous pensez que Dieu vous a abandonné? Vous verrez désormais. Le ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Bingu wazi. Depuis Golgotha. Tangia Golgotha. Le voile du temple. Pazia ya hekalu. C'est déchiré. Il pasuka. De haut en bas. Toka yulu kufika na chini. Et le ciel est ouvert. Na mbingu ilipanuka. La voie est libre. Jia na le chemin est libre. Ngazi chaque pétard. Parabale kuwazi kila mtu anaweza kutambuka. Atteindre Dieu. Na kutambuka na kufika kwa Mungu. Et exposer ses requêtes. Na kumwambia hitaji yako. Vous verrez désormais. Tangia leo mutaona. Le ciel ouvert. Bingu wazi. Et les anges de Dieu. Na ba malaika ya Mungu. Les anges de Dieu que Jacob aussi a vu. Ba malaika ya Mungu vale Jacobo na yaliona. Les anges aliona de Dieu. Ba malaika ya Mungu. Monte et descendre sur les chaînes. Kupanda na kushuka. Maintenant Jésus dit, et les anges de Dieu. Asa Yesu anasema ba malaika ya Mungu. Kupanda. Et descendre. Na kushuka. Le fils de l'homme. Yulu ya mwana wa mtu. Ce n'est plus si l'échelle. Aina tena yulu ya mungazi. Le fils de l'homme. Alakini nakwani yulu ya mwana wa mtu. Frère Branham dit ceci. Donc Branham a sema hivi. C'est écrit aussi dans Hébreu. Imeandikiwa tena kwa Ibrania. Wa malaika. Ce sont les esprits au service de Dieu. Ni maroho ile kuna mtumikia Mungu. Et jusque ce soir. Ufika na magharibi ya leo. Les anges. Wa malaika. Sont au service de Dieu. Beko na mtumikia Mungu. Si vous ne voyez pas les anges. Kama wewe hauone wa malaika. C'est puisque vous ne créez pas l'atmosphère. Ni jua una na ile ardhi. Mais si vous créez l'atmosphère, ukikuwa na ile ardhi mzuri, la connexion entre vous et Dieu, muungano yako wewe na Mungu, vous le verrez. Utamuona ba malaika utabaona. Regardez ici. Tazameni hapo. Voyez le ça. Munaona hii. Ce sont de quoi? Ni nini? N'est-ce pas des ampoules? Chinua ma miangaza moto. Les ampoules ici ne produisent pas la lumière. Ma ampoule hii ailete mwanga hapana. Non! Hapana. C'est la SNL qui produit la lumière. SNL ndio iko naleta mwanga. Mais les ampoules sont là. Ma ampoule hii iko. Pour capter la lumière que la SNL envoie. Dieu a kushika ile mwanga ile umeme ya SNL analeta. Na sisi wanduku. Notre Dieu. Mungu wetu. Envoie la puissance. Eko natuma uwezo. Notre Dieu. Mungu wetu. L'autorité, le pouvoir, Uwezo. Alléluia. Amen. Il a même dit, je vous ai donné le pouvoir. Sema, nalimi patia Uwezo. Je vous ai donné le pouvoir. Nalimi patia Uwezo. De marcher ya kutembea, sur les scorpions yuli ya mange, et les serpents. Na manyoka, et la puissance du malin ne pourra pas vous nuire. Na Uwezo ya adui hawezi kumfanyia kibaya. Dans Matthieu chapitre 16. Matayo 16. À partir du verset 18. Kuanzia mstari wa 18. Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre? Eti Yesu akumwambia Petro? Dieu Pierre. Et si ce roc. Na yuli ya mwamba. Je bâtirai mon église. Na jenga kanisa yangu. Et les portes du séjour. Na milango ya Adeza. Ne prévaudront point contre elle. Ayesi kama kushindana na ile. L'église du Seigneur. Kanisa ya Bwana. Est bâtie dans une puissance invincible. Na yengwa ndani ya uwezo ila uwezo kushinda. Le croyant le pouvoir incomparable. Beko na uwezo ya kukosa kulinganishwa. Soyez des vases. Mpate kwa vyombo. Pour recevoir le pouvoir. Je vais kupokea uwezo. Mpokea uwezo. Autorité. Mpokea mamlaka. Amen. Oh. J'aime ça. Mina ipenda. Vous verrez le sourd. Mutaona tangia leo. Est-ce que l'église comprend? Est-ce que l'église naelewa? Sasa vous allez comprendre. Na wazia mtaelewa. Dans la prédication, mumaubiri, un prophète qui rouge. Nabi mwenye kushirika. Page 10. Karatasi ya 10. Un prophète qui rouge. Nabi mwenye kukasirika. Vous savez les blancs, mnajua baba bazungu. Quand il est dessus. Ah, nabii mwenye kukosewa, mwenye kusikia haya. Ah, c'est ça que je voulais expliquer. Kukosewa. C'est ça. Page 10, paragraphe 22. Kartasi ya 10, nukta makumi mbili na mbili. Dieu appela Israël. Mungu alita Israeli. Et fut d'eux un modèle. Na kubafanya kuwa mfano. Dieu a appelé Israël. Mungu alita et Israël. Il a fait Israël un modèle. Anafanya Israël kuwa mfano. Israël ne devrait pas imiter aucune autre nation. Israël a kuwezi kama kupatilisha taifa ingine. Wala kujilinganisha na taifa ingine. Wala kuangalia kwa taifa ingine. Mataifa yote ilikuwa namwangalia Israël na kuogopa. Dieu nous a appelé. Mungu alituita. Et a fait de nous un modèle. Alitufanya sisi kuwa mfano. Ah ah. Frère, duku. Dieu nous a appelé. Mungu alituita. Et a fait de nous. Na alitufanya un modèle. Kuwa mfano. Mais. Alakini. Nous avons déçu Dieu. Tunamukosea Mungu. C'est nous qui avons déçu. Ni sisi ndio tulimukosea Mungu. Nous avons déçu Dieu. Tunamukosea Mungu. Et nous rougissons de honte. Na tukunapata haya dans sa présence. Muwepo wake. Quand nous pensons aux choses qu'il a faites pour nous. Wakati tukikumbuka vitu bila ritufania. Il nous a élevés. Alitunyanyua. A nous tira ni patirage. Kututosha mumalisho. Il nous a fait connaître. Alitujulisha. Dans le monde entier. Mulimwengu muzima. Frère, même quand Dieu regarde sur la terre, hata wakati Mungu akiangalia pa dunia, il se vante de nous. Aiko unajitapa kwa ajili yetu. J'ai un peuple. Niko na taifa. Fils. Niko na j'ai bana na babinti. Je vous lis cette écriture. Na misomeye yandiko. Écoutez un peu. Musikilize kwanza. De Corinthiens chapitre 6. Wa Korinto wa pili sura ya 6. Je vous lis cette écriture. Ne vous l'avez jamais compris dans l'angle que je vais vous montrer. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Tokeni katikati ya bo. Et séparez-vous. Na mujitenge. Dit le Seigneur. Ivi Bwana anasema. Sœur. Dada. Frère. Nduku. Ce n'est pas le pasteur qui vous appelle ici. Aina pastori alimiita hapa hapana. Et ce n'est pas le pasteur qui vous garde ici. Aina ta pastori anamichungaka hapa hapana. C'est Dieu qui vous a appelé. Ni Mungu alimiita. C'est Dieu qui vous garde. Na njo Mungu. C'est Dieu qui prend soin de vous. Ni Mungu yuko na miangaikia. Si c'est à Dieu que vous adressez vos prières, kama ni Mungu njo ule unaomba, soyez convaincus. Uwe na hakikisho. Ne doutez plus. Ushishakie. Attendez la réponse. Uchunge jibu. Si vous sortez du milieu de et séparez-vous, dit le Seigneur. Choko mana mutoke katikati yabo na mujitenge. Ivi ne touchez pas à ce qui est impie. Mushiguse ku kitu kya buchafu. Et je vous accueillerai. Nami tamipokea. Je serai pour vous un père. Takwa kwenu baba. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Mutakwa kwangu bana banaume na banamuke. Dit le Seigneur tout puissant. Ça. Ivi Bwana wa uwezo wote anasema. Qui le dit? Nani ule anasema? Le Seigneur tout puissant. Bwana wa uwezo wote. Est-ce que l'église comprend? Eti kanisa inaelewa. Frère, écoutez. Nduku sikiliza. Vous êtes muko de Dieu. Ba Mungu. Vous êtes des enfants de Dieu. Muko batoto ya Mungu. Comprenez ces choses. Et le diable va perdre tout pouvoir sur vous. Na uwezo atangusha uwezo, shetani atangusha uwezo yake yote yulu yenu. Ataipoteza. Vous êtes, Dieu lui-même vous a appelé. Mungu yeye mwenyewe alimiita. Sortez, vous êtes sortis. Tokeni, mulitoka. Séparez-vous, vous êtes séparés. Mujitenge na mujitenga. Ne touchez à rien. Rien d'impie. Mushiguse ku kitu kichafu hata kimoja. Même le président de ce monde. Hata wa rais wa dunia. Vous n'allez pas voir un fils du président commencer à se saouler partout. Hawezi kuona mtoto wa rais kwenda kulevika fasi yote hapa. Même si c'est un ivrogne. Hata kama yeye ni mlevi. Il aura un endroit, il va s'enivrer pas partout. Atakuwa na fasi moja, atakuwa na kulevika fasi yote. Akifika mkambo. C'est un fils du président qui est à Kambo. Ni mwana wa rais yuko mkambo. Il ne s'importe, il ne compose pas n'importe comment. Hawezi kujiongoza ovyo ovyo hapana. Et imaginez maintenant. Mufikiri kwanza. Si le fils du président kama mtoto wa rais akikuja mkambofu, et que le soir il vienne chez toi pour dire mama vraiment nous avons des problèmes, akikuwa kwako magharibi atamama manger, niko na hitaji, niko na njala, nipatie chakula, utasema nini? Tu vois, mais il est en train de se moquer de lui. Lui, il est le fils d'un président. Il manque à manger. À cause de chakula. Il a faim. Anakuwa na njala. Haiwezekani atuwezi kuitikia. C'est comme ça que le monde est en train de vous voir. C'est comme ça que le monde est en train de vous voir. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mungu la rumba mbingu na dunia. Les choses visibles et invisibles. Bitu akonekana na bia sikonekana. C'est lui qui vous a appelé. Yeye ndiye ule alimiita. Et il dit, vous serez mes fils. Anatema, mutakuwa batoto yangu banaume na banamuke. Et frère, nous le sommes. Duko, hakika njo kile tuko. Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Tuko batoto banamuke na banaume ba Mungu. Na comment vous comportez? Sasa namna gani unajiongoza? Comment vous comportez? Unajiongoza namna gani? Je vous lis Esaïe 43. Namisomea Isaïe à ma commune. Comment vous comportez? Écoutez les paroles pleines de sens ici. Musiki et maneno enye. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. Ivi wa milene wa majesti. Kwanza. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ivi wa milene alikumba anasema ô Yakobo. Yeye ndio alikumba ô Israeli. Ne crains rien. Usiogope kitu. Ne crains rien. Usiogope kitu. Même les péchés. Ata zambi. Ne les craignez pas. Usiogope. Nous avons le pouvoir contre les péchés. La mort, ne la craignez pas. Nous avons le pouvoir contre la mort. La maladie, ne la craignez pas. Nous avons le pouvoir contre la maladie. Ne craignez rien. Satan contrôle les gens par la peur. C'est Dada. Si tu crains de tomber, kama ukiongoka, ukiongopa kuanguka, tu vas tomber. Hakika utanguka. Mais si tu comptes sur le Seigneur, kama unamutumainia Bwana, tu ne tomberas jamais. Hautanguka kamwe. Si tu crains la maladie, kama ukiongopa magonjwa, elle va te terroriser. Hakika itakutetemesha. Tout ce que vous craignez va vous dominer. Il est yote unaogopa itakutawala. Je dis que j'ai redouté mes arrivées. Ndio bwana sema ile kwa naogopa njoo ilinifikia. Pour comprendre, je vous donne l'exemple. Na mpacha mfano mwelewe. Vous avez traversé ce parcours. Ulitambuka hii safari. De l'enfance à la maturité. Ya kutoka kubutoto na kufika kubumutu mzima. Quand les parents nous envoyaient. Wakati wazazi walikuwa natutuma. Nous sortons de la maison. Tulikuwa natoka manyumba. Antes d'imaginer qu'il y a un chien dehors qui va nous mordre. Na kuwazia sema inje peko imbo na anaweza kutulumiza. Et tu sors avec cette crainte. Unatoka na ile boka. Malgré toi. Unaenda ta vile. Quand tu arrives dehors, ukifika inje, l'obscurité se transforme en chien. Mangiza inajibadilisha kwa imbwa. Puisque tu croyais que le chien va te mordre. Jurukwa naogopa kwamba imbwa atakumiza. Unalalamika. Papa ou maman sort. Unalalamika papa wala mama anatoka. Na mwangaza anangaza. Mais il y a pas de chien. Hapana imbwa. En réalité, il n'y avait pas de chien. Akika apa ukwe imbwa. Mais dans ta tête, il y avait lakini, le chien. Alakini, umawazo yako njo mulikuwa imbwa. Comment sorta tu craignais? Na vile urutoka na boga, ulikuwa na shaka. Le chien est entré dans la tête. Imbwa anaingia mkichwa. Et comme le chien était dans la tête, bila alikuwa mawazo, ulimuona na kulalamika. Frère, Satan est vaincu. Duku, shetani anaisha shindiwa. Satan n'a plus de pouvoir. Shetani ana tena na uwezo. Satan n'a plus d'autorité. Ana tena na mamlaka. Magonjwa vanesha ishinda. Zambi vanesha ishinda. Lufu vanesha ishinda. Ndugu, sisi kwa neema ya Mungu tunakuwa kuliko hata mshindaji. Kushindiwa kuku ndani ya kichwa. Mulamuke kwa imani. Msiogope kitu. Comptez sur le Seigneur. Mumtumainie Bwana. Lui qui n'a jamais échoué. Yeye ulashia shindwa kakamwe. Il ne craint rien. Na msiogope kitu. Car je te rachète. Kwani na ukomboa. Est-ce que vous croyez qu'il vous rachète? Eti munaamini ya kwamba namkomboa. Je te rachète. Na ukomboa. Je t'appelle par ton nom. Ninakuita pa jina lako. Tu es à moi. Uko wangu. Je t'appelle par ton nom. Mina kuita pa jina lako. Je me regarde dans cette écriture. Na jiangalia mwiandiko. Tu es à moi. Uko wangu. Le Dieu qui a créé les cieux. Mungu la rumba mbingu na dunia. Le Dieu qui a créé la terre. Mungu la rumba dunia. Il dit tu es à moi. Anasema uko wangu. Dieu te dit tu es à moi. Mungu anakuambia wewe uko wangu. Regarde-toi comme si tu es à lui. Ujiangalie sawa kwa wake. Et réellement tu es à lui. Hakika considère-toi, mets-toi à ta place. Tu l'as mis à la place qui ne te convient pas. Ulijiweka pa fasi ya sipo kwa yako. Mets-toi à ta place, tu es à Dieu. Ujiweke pa fasi yako huko wa Mungu. Mets-toi à ta place, tu es fils de Dieu. Ujiweke pa fasi yako huko mtoto wa Mungu. Mets-toi à ta place, tu es fille de Dieu. Ujiweke pa fasi yako huko binti wa Mungu. Mets-toi à ta place. Ujiweke pa fasi yako. Et il dit. Nana hapa. Il dit. Anasema, si tu traverses les eaux, kama ukitambuka maji, je serai avec toi. Takwa pamoja nawe. Et les fleuves, na mamito, ils ne te submergeront point. Ayezi kama kutumbikiza. Est-ce que les gens peuvent comprendre? Eti watu wanawezi kuelewa? Si tu traverses les eaux, kama ukitambuka maji. Il a dit, je serai avec toi. Alisema, nitakuwa pamoja nawe. Il n'a pas dit, tu ne traverseras pas les eaux. Il a dit, si tu traverses les eaux, ça va arriver que tu traverses les eaux. Je serai avec toi. Mimi, nitakuwa pamoja nawe. Écoutez cet homme. Musigilize umutu. Jonas. Yona. Chapitre 2. Yona sura ya pili. Verset 4. Musari ya ine. Bima jete dans l'abîme. Urinitupa katika shimo. Dans le cœur de la mer. Mubari ya maji. Dans le cœur, dans le... au fond de la mer. Chini ya maji. Au fond de la mer. Mupana ya mbari. Ele kurando mu environne. Na mawimbi ya maji nizunguka. Toutes tes vagues et toutes tes flots ont passé sur moi. Na mawimbi ya yote ilipita yulu yangu. Je disais. Na nilikuwa nasema. Je suis chassé loin de ton regard. Mimi nafukuziwa mbali na kuona kwako. Mais. Alakini. Mais. Alakini. Je verrai encore ton saint temple. Taona tena hekalu yako takatifu. Qui peut s'imaginer? Nani anawezi kufikiria? Jonas. Yona, dans le ventre du poisson, mutumbo ya samaki. Quand il prie, wakati aliomba, il prie comme si c'est déjà réglé. Aliomba sawa inesha fanika. C'est déjà terminé. Inesha malizika. Est-ce que l'église comprend? Eti kanisa naelewa. Mais tu m'as jeté. Je suis dans le cœur de la mer. Les abîmes passent sur moi. Les vagues, le flot me frappent, me tapotent, passent sur moi. Mais, je verrai encore. Taona tena ton saint temple. Ekalu yako takatifu. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. Maji ilinifunika kufika na mkuni huu. La vie me m'a enveloppé. Mawimbi ilinifunika. Les roseaux entouraient ma tête. Matete ilifunika kichwa changu. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Na nishuka chini ya mizizi ya milima. Les barres de la terre m'enferment pour toujours. Na udongo ilinifunika kwa lote. Mais. Alakini. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Urinitosha mushimo muzima. Éternel. Wamilele. Mon Dieu. Mungu wangu. Éternel. Wamilele. Mon Dieu. Mungu wangu. Car mon âme était abattue au-dedans de moi. Wakati moyo wangu uliugua ndani yangu. Je me suis souvenu de l'Éternel. Nalimukumbuka wamilele. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Na maombi yangu ilikufikia. Dans ton sein. Temple. Mwekalu yako takatifu. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Venye kuambatana na sanamu. Pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un grand cri d'action de grâce. Kwangu mimi nitakutoa masadaka na ma. J'accomplirai le feu que j'ai fait. Tatimiza biapo bile naliapa. Les salis viennent de l'Éternel. Wokovu inatokea kwa wamilele. Ça c'est la prière. Hii ni maombi. Après avoir prié comme ça. Kisha kuomba mnamna hii. L'Éternel parla au poisson. Wamilele akamwambia sasa samaki. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Na samaki kamtapika Yona pa bulongo. Le poisson vomit Jonas. Samaki ikamtapika Yona pa bulongo. Ce sont des preuves. Ni mahakikisho. Même si tu es dans une situation difficile. Hata kama ukipatikana katika magumu. Les problèmes t'ont enterré. Maneno yanakuzika. Les gens t'ont enterré. Watu wanakuzika. Compte sur Dieu. Utumainie tu Mungu. Sois convaincu. Uwe na hakikisho. Je vais te relever. Ya kwamba Mungu atakulamusha. Jonas était loin. Yona alikuwa mbali. Loin même de la terre. Mbali mbali hata ya udongo. C'est confié en Dieu. Alakini alimtumainia Mungu. On peut prendre même un autre exemple. Tunaweza kuchukua mfano mwingine. Joseph. Yusufu, frère, Nduku, c'est facile de le dire aujourd'hui. Ikumwepesi kuisema leo. C'est facile de le lire. Ikumwepesi kuisoma leo. Mais si la femme de Potiphar, kama mke wa Potiphar, s'est présentée devant toi, akisimama mbele yako, et te dit, na kukwambia, vous parlez de votre frère. Unataja ndugu yenu. Regardez ses habits. Tazameni mavazi yake. Satinique est là. Kanzu yake yo hii. Il m'a suivi dans la chambre. Alinifuata mchumba. Il voulait me violer. Alitafuta kunibaka. J'ai lutté. Nalikombana. J'ai crié. Nililalamika. Il a fui. Alikimbia. Comme il était déjà ni. Vile alikuwa utupu. Il m'a laissé sa tunique. Ananiatia kanzu yake. Tout le monde allait accepter. Batu bote bangeitikia. Et si tu n'allais pas se tu allais douter. Kama ungeitikia ungeshakia. Peut-être. Ha, sa zingine. Il y a pas de fumée sans feu. Akuikalake moshi bila moto. Comment elle a eu sa tunique peut-être. Sasa alipata kanzu yake namna gani. Sa zingine. Alakini. Yusuf. Était convaincu. Alikuwa na hakikisho. Na ile mambo ilimuelekea. Alijua kwamba mimi nalitimiza mapenzi ya Mungu. Ola sezi badi mubamba en prison. Na kumtupa mugereza. Frère, nduku, sa mama était déjà décédée. Mama yake alikuwa ameshakufa. Son père vieux. Baba yake ashazeka. Loin de l'Égypte. Mbali na Misri. Loin. Mbali. S'il parle dans sa langue maternelle, et on a sema, aucun Égyptien ne va écouter. Akisema muruga kwabo, hakuna et puis on le jette en prison. Kisha wanamutupa mugereza. Si toi tu allais le visiter, kama wewe ungeenda kumutazama, tu lui dis Joseph, ungemwambia Yusufu, tu sais, unajua, Potiphar c'est mon grand frère. Potiphar ni mkubwa yangu. Pharaon c'est mon oncle. Pharaon ni mjomba yangu. Que veux-tu que je leur dise? Unapenda nibambie ko nini? Joseph pouvait même dire non. Yusufu angekwambia hapana. Leur de me libérer. Je serai même leur esclave. Ubambie banitoshe nitakuwa ta mtumwa yabo. Sorte d'abord d'ici. Alakini kwanza nitoke mugereza. Aux yeux des hommes. Macho ya watu. Joseph était en prison. Yusufu alikuwa mugereza. Aux yeux de Joseph. Macho ya Yusufu. Il était en prison. Alikuwa mugereza. Aux yeux de Dieu. Alakini kwa macho ya Mungu. Il était dans la salle d'attente. Alikuwa chumba ya kuchungia. Vous savez quand vous voulez voyager. Unajua wakati unapenda kusafiri. Unapenda kupanda ndege. Ku aeroport kuna chumba ya kuchungia. Unamaliza maneno yote onekane kwanza mule. Hauna tena mdege. Hauna kumulango. Vous ne parlez plus. Amuseme tena. Na wa mtu mwenye kwa mlango. Comme voyager. Auseme sawa kusafiri. Le voyage chez vous. Katikati ya kusafiri na kumlango. Vous ne savez pas si vous allez décoller. Aujourd'hui, kama mutaenda na ndege au hapana mchumba ya kuchungia. Alipashi kuchungia mule. Alipashi kuchungia mule. Alikuwa na chunga. Quand le temps de Dieu est arrivé. Wakati ya Mungu pale ilifika. Dieu s'est levé. Mungu aliamuka. Il s'est levé. Aliamuka. Avec puissance. Na uwezo. Avec autorité. Na mamlaka. Il a trouvé Pharaon. Alimfurudika Pharaon. Il voit les songes. Akaona ndoto. Aucun magicien ne peut dévoiler. Hakuna hata mchawi mmoja aliweza kuifatilia. Hakuna personne ne peut venir en aide. Anafurudika. Dans le désespoir de Joseph. Mkukosa kutumainia kwa Yusufu. Quelqu'un parle à Pharaon. Mutu mwaka mwambia Pharaon. Il y a un homme. Huku kiana moya mule. Il est en prison. Eko mule mugereza. Quand nous étions en prison. Wakati sisi tulikuwa naye mugereza. Nous avons eu aussi des songes compliqués. Tulipata mandoto ya nguvu. Nous lui avons parlé. Tulimwambia yo. Il nous a aidé. Alitusaidia. Et tout ce qu'il a dit. Na ile yote alisema. Arrivé comme ça. Ilifika hivyo. Pharaon dit quoi? Pharaon anasema nini? Dans ce pays. Mwinchu. Oui, dans ce pays. Ndio, mwinchu. En prison. Mugereza mule. Je vous donne deux minutes. Amenez-le. Allez, dakika mbili, mumulete. Il fallait être là pour voir. Parce que vous pas les jours pas te couvrir. Les chevaux de l'Égypte. Mama. Tous les cavaliers étaient mobilisés. Mama, panda farasi bote. Mobilisés. Allez. À qui que moi je me dis, araka. Habite-toi. Porte les souliers. Bila kulomba rusa kutosha mbio kumufika mviatu na mavazi. Alikuja mbio. Tout le monde s'est présenté devant Pharaon. Wakati watu wote walikuwa nasimama mbele ya Pharaon walikuwa natuanga magoti. Lakini ile siku Joseph marche. Yusuf alitembea bwima na fieri. Na pieri. Mais toi genou. Allez, tonga magoti. Mimi hapana. Mimi hapana. Moi je peux m'agenouiller devant l'Éternel. Mimi nitainama paka mbele ya wamilele. Je peux sortir de la prison. Mungu ananitosha mgereza. Nitainama mbele yake. Seul. Tamwabudu peke yake tu. Pharaon dit, ça va malgré que la vient. À ta vie, le coup y a mbele. On m'a dit que tu interprètes. Ah, n'y a bien ce mot, on a facilité mandoto. Ah, tu te trompes, ce n'est pas moi. On a d'engagé à la mine. Je n'interprète pas. Ni, mais c'est facilité mandoto. J'ai un Dieu. Ni, qu'on a mungu. Je me confie. Rien ne lui est impossible. Oule, mina tumaini, hakuna kile kinakosekana kwake. Ego, anafunua masiri. Anafunua mawazo. Eko ako. Il existe. Eko ako, ndio. Il n'a pas gêné. Asikufunge chakula maombi hapa. Wakati ya Mungu ilifika. Pharaon. Ile uliona ni hivi ni hivi. Sasa mimi nakupatia shauri. Cherche un homme sage. Utafute mtu wa hekima. Un homme qui craint Dieu. Mtu mwenye kuogopa Mungu. Mtu wa hekima. Il est en train de parler. Angariki nasema. Il est en train de taper le cœur de Pharaon. Un homme sage. Mtu wa hekima. Akangalia, akangalia, hakuna waikima. Il termine. Anamaliza. Pharaon dit, qui d'autre en dehors de toi? Nani mwingine isipokuwa wewe tu? Ni wewe peke yako. Alikuja. Kuja. A partir d'aujourd'hui. Kuanzia leo. Misri msikie. Moi je suis roi par la signature. Mimi niko mfalme kupitia saini. Mais chaque décision que je peux prendre. Mipango yote ile. Tachukua. Yusuf naye atachukua yake. Il se confie en Dieu. Alijitumainia Mungu. Dieu ne l'a pas déçu. Mungu asikumpatie. Haya. Pourquoi vous criez? Dieu a nini muna lalamika? Pourquoi vous tremblez? Dieu a nini muna tetemeka? Ne perdez même pas le temps en train de parler de problèmes. Musipoteze wakati na kusema sema yuli ya maneno yenu. Lisez la Bible, il y a la solution de vos problèmes. Soma tu Biblia mukujibu ya maneno yenu. Pourquoi vous nous perdez le temps en train d'expliquer aux frères? Dieu a nini mupoteze wakati na kutuambia mahitaji yako. Umwambie Mungu. Il est capable. Et qu'on a ouezo. Sans audience. Bila kuomba rusa. Joseph. Yusufu. Sorti de la prison. Bana mutosha mugereza. Frère, sans qualification. Duku. Bila cheo. Gouverneur de l'Egypte. Anakuwa liwali wa Misri. Qui peut faire ça? Nani anawezo kufanya vile? Dieu seul. Mungu peke yake. Pharaon ne lui a même pas demandé le niveau de type. Pharaon asikumuulize hata masomo yake. Tu Mungu alikuwa mkazi. Ne regarde pas ta petitesse. Ushangare udogo yake. Ne regarde pas ta grandeur. Ushangare ukubwa wako. Si regarde ta grandeur. Ushangare ukubwa wako. Utakuwa wa kiburi. Si regarde ta petitesse, tu vas craindre. Ushangare ukubwa wako. Utaogopa na kushindwa. Ugeuze macho yako kwa Yesu. Regarde à Dieu. Il n'a jamais échoué. Ashia shindwa kakamwe. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ataku ukitambuka maji nitakuwa pamoja nawe. Si tu marches dans le feu, ukitembea mambo moto, tu ne te brûleras pas. Hawezi kama kuugua. Et la flamme ne t'embrasera pas. Na ndimi ya moto hawezi kuteketeza kamwe. Si vous doutez de cette écriture, kama mukishakia hii andiko. Appelez Meshach. Mwite Shadrach. Appelez Shadrach. Mwite Meshach. Appelez Abednego. Mwite Abednego. Posez-leur la question. Waulize. Est-ce que cette écriture est vraie? Eti andiko ni kweli. C'est vrai. Mais oui, c'est amen. Na amena ni ndio na amina. Dieu est puissant, sa parole est puissante. Mungu yako wa uwezo. Dieu est vrai, sa parole est vraie. Mungu ni wa kweli. Dieu est réel, ses promesses sont réelles. Malako yake ni ya kweli ya hakika. Amen. Amina. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Kwani ni kuamilele Mungu wako. Le Saint d'Israël. Mtakatifu wa Israeli. Ton sauveur. Mokozi wako. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Naleta Misri sawa malipo yako. L'Éthiopie ça va ta place. Ethiopia atanipikwa pafazi yako. Parce que. Kwani. Tu as du prix à mes yeux. Kuna bei kumacho yangu. Parce que. Wani, tu es honoré. Unaheshimishwa. Et que na, je t'aime. Na, mimi nakupenda. Êtes-vous convaincu que vous avez du prix aux yeux de Dieu? Et tu unahakikishwa kwamba kuna bei kumacho ya Mungu. Êtes-vous convaincu que vous êtes honoré? Mungu unahakikishwa kwamba mnaheshimishwa. Je pouvais crier. Mungu angelala bila. L'honneur. Heshima. Et pour vous. Ni yenu. Qui croyez. Mwe benye kuamini. Dieu dit parce que tu as du prix à Mungu anasema kwani huko na bei kumacho yangu. Lève toi tourne. Amuka na ugeuke. Lève toi regarde. Amuka waangalie. Tu as du prix à ses yeux. Kuna bei kumacho yake. Qu'aucun démon ne t'intimide. Hakuna demona tamwa kutetemesha. Oh là là. Que dire encore? Tasema tena nini? Matthieu. Matayo. Chapitre 11. Sura ya 11. Matthieu chapitre 11. Matayo 11. Verset 27. Toutes les choses. Bitu biote. Quand la Bible dit toutes choses, ça signifie toutes choses. Wakati Biblia nasema bitu biote, manake ni bitu biote. Toutes les choses m'ont été données par mon père. Bitu biote bilinipewa na baba yangu. Et personne. Hakuna mutu. Ne connaît le fils si ce n'est le père. Wakumujua mwana isipokuwa baba. Et personne. Na hakuna mutu. Non plus ne connaît le père si ce n'est le fils. Asimujue baba isipokuwa mwana. Et celui à qui le fils veut le révéler. Na ule mwana anapenda kumufunulia yu. Il nous l'a révélé. Alitufunulia yu. Nous le connaissons. Na tunamujua. Il l'a voulu ainsi. Aliitaka mwana. Nous ne sommes pas partis au séminaire. Atukwenda mais par la grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Nous croyons. Tunamini. Nous connaissons que. Tunajua kwamba. Le Jehovah de l'Ancien Testament. Jehovah wa agano la kale. C'est Jésus-Christ d'Alléluia. Jo Yesu Kristo mwa agano jipya. Le je suis de l'Ancien Testament. Ule niko mwagano la kale. Je suis du Nouveau Testament. Jo niko mwagano jipya. L'alpha de l'Ancien Testament. Alpha wagano la kale. C'est l'alpha du Nouveau Testament. Jo alpha wagano jipya. C'est l'oméga du Nouveau Testament. L'oméga wagano jipya. Amen. Nous connaissons ces choses. Tunajue bibitu. C'est merveilleux. Ni adamani. Et il dit ceci. Anasema hivi. Venez à moi. Mukuje kwangu. Vous tous. Mwebote. Qui est fatigué. Venye kuchoka. Et chargé. Na kulemewa. Et je vous donnerai. Tamipatia. Du repos. Mapumziko. Pas je verrai si je vais donner. Je vous donnerai. Aina sema ntangalia kama tanipati. Alakina anasema wazi. Fait. C'est avec précision. Anasema na hakikisho yote. Venez à moi. Jeni kwangu. Vous tous. Mwebote. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous ayez étudié ou pas, ujifunze wala pana, que vous soyez marié ou célibataire, uwe mundoa wana, femme ou homme, jeune ou vieillard, vous tous, mzee wala kijana, mwe bote, fatigué et chargé, venez kuchoka na kulemewa, venez, mukuje, je vous donnerai du repos, namipatia mapumziko, vous avez besoin du repos, unahitaji mapumziko, venez, kuja tu, venez seulement, kuja tu. Matthieu. Matayo. Chapitre 6. Sura ya 6. Matthieu. Matayo. Matthieu chapitre 6. Matayo sura yake ya 6. Écoutez un peu. Sikilizeni kwanza. Verset 24. Msari ya 24. L'il ne peut servir deux maîtres. Hakuna wa kutumikia babwana bawili. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Kwani atachukia mmoja na kupenda mwingine. Il méprisera l'autre. Wala atambatana na moja na kubeula mwingine. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amwezi kumtumikia Mungu na maman. Vous écoutez? Munasikia? C'est pour cela que toute notre confiance. Jo kwa maana matumaini yetu yote. Nous mettons en Jésus. Tunaiweka ndani ya Yesu. Même l'argent, nous ne l'aimons pas. Ata feza inyewe. Nous n'aimons pas l'argent. Atupende feza. Nous travaillons seulement. Tunatumika tu. Nous aimons Dieu. Tunampenda Mungu. De tout notre cœur, de toutes nos pensées, de notre Wetu. Force, nous aimons Dieu. Tunampenda Mungu. Pas l'argent. Apana feza. Frère, Nduk. Quand nous l'aimons, wakati ile tunampenda. Il nous donne tout. Atatupatia biote. Écoutez. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps, mwili, plus que le vêtement, shinashindia mavazi. Qui t'a donné le corps? Nani alikupatia mwili? C'est Dieu. Sini Mungu. Et il connaît que ce corps a besoin de s'habiller. Anajua sema mwili inahitaji kufukwa. Ne vous inquiétez pas. Ushangaike. des soucis. Mangaiko. Ça ne va pas résoudre. Aïeze kuleta jibu. Priez. Omba. Et il dit, nous voulons l'exemple pour que vous compreniez. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment abapande, ni ne moisson. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Na et votre Père céleste alakini baba yenu wa kumbingu le nuri eko nabalisha. J'aime ça, mi napenda hii. Pas le Père céleste, apana baba yabo wa kumbingu. Il n'est pas le Père des oiseaux, ana baba wa bandege. Et votre Père céleste alakini baba yenu mweye wa kumbingu le nuri eko nabalisha. Votre Père à vous, baba yenu mweye eko nalisha bale bandege. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Eti mweye, si mungu na bei kushindia bandeke. La Bible a déjà dit dans Isaïe 43, tu as du prix à mes yeux. Biblia inesha usema Isaïe 43 ya kwamba mungu na bei kumacho yangu. Tu as du prix à mes yeux. Mungu na bei kumacho ya mungu. Dieu l'a déjà dit. Mungu anesha isema. Tu as du prix à ses yeux. Mungu na bei kumacho yake. Vous valez plus que les oiseaux. Mweye munashindia si votre Père. Kama baba yenu. Nourrit les oiseaux. Analisha bandeke. Gardez-il de vous. Marangapi, il vous nourrira. Atamilisha. Puisqu'il est votre Père. Wani yeye ni baba yangu. Il n'est pas le Père des oiseaux. Ashina baba yake. Il est mon Père. Ni baba yangu. Il dit. Asema. Qui de vous? Ni nani katikati yenu? Par ses inquiétudes. Kupitia mauzuni yake. Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Anawezi kuongeza kwa taki doko kubujima yake. La Bible dit ces personnes. Biblia inasema hakuna mtu. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Soko maana hauhitaji wewe uje. Ne vous inquiétez de rien. Usifadhaike. On va revenir. Tutarudia pa maneno haya. Les autres quelque chose ici. Tusome kitu kingine hapa. Frère, nduku. Nous échouons. Puisque nous ne mettons pas notre confiance en Dieu. Wani atuweke matumaini yetu ndani ya Mungu. Et le diable nous aveugle pour que quand nous sommes dans les moments difficiles, que nous ne puissions pas regarder les promesses promises. Shetani anatupofusha wakati tuku katika magumu, tusiangalie mumalako ile walitulaka. Philippiens 4:4. Wa Filipo ine ine. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mufurahi kila mara ndani ya Bwana. Je le répète. Naisema tena. J'insiste. Naweka mkazo. Réjouissez-vous. Mufurahieni. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Weya uhitaji uzuri. Réjouis-toi. Ufurahi. Tu as un Père. Mungu na baba. Plus fort. Wa nguvu zaidi. Plus puissant. Mwenye uwezo. Que ce qui te dérange. Ushindie ile inakuangaisha. Même celui qui est en vous. Ata ule kondani yenu. Qui demeure en nous par le Saint-Esprit. Ule kondani ndani yenu. Il est plus fort. Plus grand. Plus puissant. Mkubwa. Que celui qui est dans le monde. Ushindia ule kumudunia. Pourquoi vous craignez celui qui est dans le monde? Jua nini unaogopa celui qui est en nous. Ule kondani yenu. Avengi celui qui est dans le monde. Alimushinda ule kumudunia. Nous sommes convaincus de ces choses. Tukuna hakikisha maneno haya. Nous sommes concernés. Na hii maneno ni yetu. Verset 6 il dit. Msare asita ansema. Ne vous inquiétez de rien. Musiangaike juu ya kitu. Est-ce que vous êtes là? Eti muko hapa? Ne vous inquiétez de rien. Musiangaike juu ya kitu. Mais. Alakini. En toute chose. Mumaneno yote. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mujulishe Mungu mahitaji yenu. Par des prières. Kupitia maombi. Et des supplications. Na maombolezo. Avec des actions de grâce. Na matendo ya shukrani. Quand vous priez. Wakati kunaomba. Vous suppliez. Unamusii Mungu. Rien ne change. Hakuna mabadiliko. Commencez les actions de grâce. Mwanze tu matendo ya shukrani. Commencez à le louer. Mwanze kumusifu. Père merci. Baba asanti. Je sais que tu es puissant. Mina yuwa si Mungu wa uwezo. Ce problème ici. Ima neno hii. Rien. Ni bure hakuna kitu. Commencez à le louer. Mwanze kumusifu. La peur va disparaître. Na boka mutapotea. Et il entrera en action. Ataingia mukazi. Vous échouez si vous ne voulez pas le louer. Munashindo juu mupende. Pourquoi vous inquiétez? Qu'est-ce que le sida d'abord? Sida ni nini? C'est un démon. Ni demona. Qu'est-ce que le diabète? Diabète ni. C'est un démon. Ni demona. Le ciel et la terre passeront. Bingu na dunia bitapita. Mais la parole passera. Alakini neno la Mungu itapita kamwe. Et nous nous reposons sur les écritures. Na sisi tunapumuzikia pa maandiko. Frère, je t'informe au nom du Seigneur Jésus. Mimi nakujulisha mjina Bwana. Il n'y a aucune écriture qui dit que toi tu ne peux pas acheter une maison. Hakuna andiko hata moja ile kunasema wewe hautauzaka nyumba. Tu l'as lu? Ulisoma wapi? Pourquoi vous inquiétez? Jua nini unafadhaika? Kunyanyuliwa kunatokea upumuzikie mwile malako na shetani atakimbia. Mumushinde shetani kupitia malako ya Mungu atakimbia mbali na mwenu. Tunapashwa mungumu matendo mumutenkeshe shetani. Amen. Amina. Verset 28 de Matthieu 6. Matthieu 6, ta makumbi. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Dieu a nini kuangaikia mambo ya mavazi. Considérez comment croissent les lys des champs. Wangalie namna kani maua ya mashamba iko na komala. Il ne travaille ni ne file. Aitumikake wala ishuke. Cependant, je vous dis que. Japo mimi namwambia ya kwamba. Salomon même. Salomon yeye mwenyewe. Dans toute sa gloire, mutukufu yake yote, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Asikuvikwe sawa maua. Est-ce que vous écoutez? Eti munaelewa? Ne vous inquiétez pas si j'ai des vêtements. Siangaikie mavazi. Sir, arrêtez de vous inquiéter. Acha mambo ya kufanya. Frère, arrêtez. Duko acha mambo. Confiez-moi l'Éternel. Umutumainie wa milele. Celui qui a le dernier mot. Yenje kona kya mwisho. Wa kya mwisho ni Mungu. Aucun homme n'a le dernier mot sur ta vie. Hakuna mtu atamwe kuna sauti ya mwisho pa maisha yako. Celui qui a le dernier mot. Ule kuna sauti ya mwisho. Ni Mungu. Amen. Confiez-vous en lui. Mumutumainie yeye. Il n'est jamais déçu. Ashia kosea na. Il ne décevra jamais. Tous ceux qui se sont confiés en lui. Wale wote walimtumainia. Ils ont eu les résultats. Walipata matokeo. Tous ceux qui étaient convaincus. Wale wote concernés. Ils ont eu les résultats. Walipata matokeo. Frère, Nduku. Ils ont fermé les gueules du lion. Walifunga binyo ya simba. Ils ont fait trembler les royaumes. Ils ont eu les résurrections de leurs morts. Même le monde était bougé. La terre a dit, nous ne sommes pas dignes d'avoir de tels hommes. Ils sont puissants. Ils sont invincibles. À cause de leur Dieu. Église, respirez les promesses. Pourquoi marchez-vous comme des faibles? Vous êtes fort par celui qui vous a racheté. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Marangapi atamivika gens de peu de foi. Batu ba imani kidogo. Pourquoi vous avez une peu de foi? Dieu nini mungu na imani kidogo. Ayez une foi satisfaisante. Mwe na imani ya kweneana. Il va vous vêtir. Atamivika. Seul. Dada. Il va te vêtir. Atakuvika. Ne convoite rien. Les richesses de ce monde ne les convoite pas. Restez dans les promesses. Dieu va te souiller les larmes. Mungu atakupanguza machozi. Hey. Tu es sorti ni du ventre de ta mère. Ulitoka mtupu mtumbo ya mama yako. Tous les présidents que vous voyez, les hommes de ils ne sont pas sortis avec la richesse dans le ventre de leur mère. Ils sont sortis nus. Ulitoka mtupu. Et sur la terre, Dieu les a honorés. Na pa dunia Mungu anabeheshimisha. Confiez-vous en Dieu. Un jour, siku moja, vous allez aider ceux qui vous aident. Mutasaidia wale walikuwa na misaidia. Un jour, siku moja, vous allez loger vos bailleurs. Mutakuwa na confiez-vous en Dieu. Il agit au-delà des imaginations. Il va te donner ce que toi-même tu vas regarder. Atakupatia nyotangalia. Si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas ici. Na utasema singekuwa Mungu singekuwa hapa. Ni muina mna Mungu yako nafanya. Ne vous inquiétez donc point. Basi musifadhaike. Et ne dites pas. Na musiseme. Que mangerons-nous? Tutakula nini? Que boirons-nous? Tutakunywa nini? De quoi serons-nous vêtis? Tutavaa nini? Ne vous posez pas ces questions. Usijiulize maulizo na. Car! Kwani? Toutes ces choses. Hivi vitu vyote. Ce sont les païens. Ni wapagano. Qui les recherche? Je vais qu'on habite à Futisha. Votre Père Céleste. Baba yenu wa kumbingu. Ce que vous en avez besoin. Anajua sema munahitaji. Vous ne les recherchez pas jusqu'à briser les écritures. Priez, réclamez. Votre Père Céleste, ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'a pas dit vous les manquerez. Il n'a pas dit de les cherchez premièrement le royaume. Toutes ces choses, les manger, kula, les boire, kula, les nourritir, nyongezo, on va vous les ajouter. Vous serez donné par-dessus. Ce sont des cadeaux qu'il vous donne. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour kila siku, suffit sa peine. Na mateso yake, bubaya unaishaka kila siku. Le mal s'arrête tous les jours. Bubaya waleo unaisha leo. La peine d'aujourd'hui ça. Hautaona bubaya waleo kesho. Ne verra plus la peine d'aujourd'hui. À chaque jour. Kila siku. Suffit. Ah, et maman bubaya kila siku. Et Dieu. Mungu. Renouvelle sa bonté. Et on arudisha upya. Wema wake. Kila asubuhi. Le matin vous allez voir sa bonté. Asubuhi utaona uwema wake. Pas les peines. Hapana mateso. Confiez-vous dans ses promesses. Utumainie malako yake. Reposez-vous là. Upumzike mule. Ne soyez pas branlable. Kwa kutenka tenka. Soyez inembranlable. Ubakie bila kutenka. Soyez convaincu. Kwena hakikisho. Soyez concerné. Na imanenu. Regardez à Dieu. Mwangalie Mungu. Réclamez ce qu'il vous a promis. Uombe inyani milaka. Est-ce que vous connaissez les cantiques? Bahari ikichafuka upepo ukivuma chombo cha kukikibebwa usiogope kufa chombo cha kukikibebwa usio gope kufa alisema utatitia hakusema kwamba utazama alisema twende ngambo ya bahari hadi ngambo ya Dieu n'a pas dit que tu vas te noyer. Mungu asikusema asema utatumbukia mumaji. Non, non, il a dit que si tu traverses les eaux, ukitambuka maji, ne crains pas. Usiogope. Même les fleuves ne vont pas te submerger. Hata mamto ayezu kutumbukiza mai. Mungu wako anayo mipango juu yako si mipango ya ole bali mipango ya salama simira dia kushindwa bali miradia okovu. Yesu alisema utatitia, hakusema kwamba utazama, alisema twende ngambo ya bahari hadi ngambo ya pili. Fe duku, confiez-vous à lui, mutumainie yeye. Et ça nous manque de vous dire de ces choses. Wakati na tukosa juu kumiambia hivi. Mais nous ne devons pas seulement entendre que Dieu est bon. Hatuwezi kusikia tu kwamba Mungu ni mwema. Mais il faut expérimenter qu'il est bon. Lakini inapaswa kuionja kwamba ni mwema. Nous ne devons pas entendre que Dieu est guéri. Hatuwezi kusikia tu Mungu yuko na ponya. Nous devons expérimenter qu'il nous a guéri nous les malades. Inapaswa kuonja kwamba alituponya magonjwa. Nous ne devons pas seulement entendre que Dieu élève. Hatuwezi kusikia tu kwamba Mungu ananyanyua. Nous devons expérimenter dans notre humiliation qu'il nous élève. Tunapaswa kuonja Mungu unyenyekevu wetu atunyanyue. Ma sœur, dada yangu, tu ne dois pas lire seulement que Dieu avait donné des enfants aux stériles. Hawezi kusema tu kwamba Mungu alipatia watoto watasa. Il doit te donner aussi des enfants. Anapashi na wewe kupatia watoto. Tu ne devons pas voir que Dieu enrichit seulement. Hawezi kusikia tu asema Mungu anatajirisha. Anapashi kututajirisha na sisi. Tu ne devons pas entendre qu'il pardonne. Hawezi kusikia tu asema. Il va nous pardonner. Hata tusamehe. Tu devons expérimenter le pardon. Anapashi kuonja usamaha. Nous ne devons pas entendre qu'il a baptisé du Saint-Esprit. Il doit nous baptiser du Saint-Esprit. Nous devons expérimenter ces choses. Frère, les promesses de Dieu sont vraies. Dieu n'a jamais menti. Dans ses promesses, il n'y a pas les noms. Dans ses promesses, il y a les oui et amen. C'est oui, oui, oui. Je peux le dire. Misina ya kusema. Je peux le dire. Nawezi kuisema. Comme Moïse. Sawa Musa. Pourquoi crier? Jia nini kulalamika? Parle. Mseme. Ne craignez pas. Musiogope. Mettez-vous en place. Vous verrez la délivrance de Dieu. Et les injustices que vous voyez aujourd'hui, les problèmes que vous avez aujourd'hui, les péchés que vous avez aujourd'hui, la maladie que vous avez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Frère, je peux vous le dire comme Josué. Je peux vous le dire comme Caleb. Les rêves sont là. Ma, le pays existe. La parole de Dieu est vraie. Neno la Mungu ni ya kweli. Dieu change. Mungu yuko na badilisha. Dieu transforme. Mungu yuko na badilisha. Dieu béni. Mungu yuko na élève. Mungu yuko na Dieu sauve. Mungu yuko na alléluia. Amen. Ce ne sont pas des paroles mortes. Aina misemo ya kufa. Dieu ne nous amène pas ici pour nous flatter. Mungu ashikutuleta hapa juu kutubembeleza. Avant de prier, je vous lis ça. Mbele ya kuomba tabisomea hii. Ça me vient directement. Inanikuja pale pale. Écoutez ça. Musikie hii. Matthieu. Matayo. Chapitre 20. Sura yake makumi mbili. Mstari wa makumi mbili na tisa. Lorsqu'il sortit de Jericho, wakati walitoka mu Yeriko, une grande foule suivit Jésus. Kundi ya watu mingi ilimfuata Yesu. Et voici des aveugles. Tazama wa mpofu mbili. Assis au bord du chemin. Barikala pembeni ya njia. Entendirent que Jésus passait. Barisikia kwamba Yesu alikuwa anapita. Et criaient. Na barikuwa analalamika. Aie pitié de nous. Utushikirie buluma Bwana. Fils de David. Mwana wa Daudi. La foule les reprenait. Na kundi ilikuwa anabazuiza. Pour les faire taire. Ya kuibanyamashisha. Mais ils crièrent plus fort. Lakini baripasa sauti ngumu. Si les problèmes se sont multipliés. Hata kama mambo inaongezeka. Ulalamike zaidi. Eh, pitié de nous. Utushikire buluma. Seigneur. Bwana. Fils de David. Mwana wa Daudi. Jésus s'arrêta. Yesu akasimama. Comme il s'est arrêté ici ce soir. Paka vile anasimama hapa imagharibi. Reunia mono. Bawili wanyo kusanika mjina langu. Na mimi nitakuwa katikati yao. Lela ili saret. Eko hapa nasimama. Jezi sareta. Yesu akasimama. Leza pela edi. Akabaita na kusema. Que voulez-vous que je vous fasse? Unapenda ni mifanie nini? Ili te demande. Anakuuliza. Que voulez-vous que je vous fasse? Unapenda ni mifanie nini? Ili lui dire. Wakamujibu toi aussi il faut répondre na weye inapashi kumujibu ile unapenda kufanyia umwambie ile unapenda kufanyia il est capable eko na uwezo même s'il ne l'a pas mais hata kama ana nayo il va créer lakini hata yumba il est créateur yani yeye ni Mungu mais en réalité il va te donner hakika yeye atakupatia. Soyez convaincus. Ou na kikisho. Soyez concernés. Na maneno hii kwa yako. Nous ne prions pas pour recevoir le contraire de nos requêtes. Atuombe tu tupate kinyume cha tajiri. Wakati nous attendons la réponse de ce que nous avons demandé. Tunachunga jibu ile tunaomba. Et si vrai que Dieu vit, la réponse viendra. Na jibu itakuja. Il lui dit, wakamjibu Bwana, que nos yeux s'ouvrent. Macho yetu pate kuona. Emi de compassion. Akabashikiria buluma. Jésus toucha leurs yeux. Yesu akagusa macho ya bo. Et aussitôt. Na pale pale. Pas demain. Apana kesho. Pas après moi. Apana kisha mwezi. Aussitôt. Pale pale tu. Il recouvre la vie. Macho ya bo ikafunguka. Et le suivi. Na wakamufata. Êtes-vous convaincu que Dieu est ici? Êtes-vous nakikishwa kwamba Mungu yuko hapa? Êtes-vous convaincu que c'est la parole de Dieu que vous avez entendue? Avez-vous senti la foi qui vient des Écritures? Puisque la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Êtes-vous convaincu que dans la présence de Dieu, il y a tout? Que rien ne manque? Levonu va prier. Tusimame tutaomba. Ninakupenda Bwana Yesu. Wewe wanisi, wanisikia niombapo. Kweli wanipa, wanipa jibu la maombi. Mimi napata, napata yote kwako Bwana wangu uliyoyaidi napata kwa imani uwezi kuniacha mimi Yesu napata napata yote kwako Mungu wangu ulio yaidi napata kwa imani uwezi kunicha mimi o napata napata te kwa bien aimé frère de sœur mpendwa ndugu na dada tout ce que tu as besoin il est yote unahitaji. Ne multipliez pas les vaines paroles. Prie. Va tout droit au but. Réclame. Uombe. Parle à ton père. Uombe. Il t'écoute. Baba yako, prions. Prions.